Bon, alors je vais enregistrer un disque, le disque qui va s'appeler Vanessa de New. C'est génial. Vous allez voir. Alors, je vais prendre le disque. Et voilà. Ouais, le disque est prêt. Alors, on va prendre une livre. Arrête, j'enregistre un disque. Tu peux me faire écouter, s'il te plaît? J'enregistre un disque. Non, mais tu peux pas me faire écouter, s'il te plaît. Quand bien même on est là-haut. Dès qu'on se rentre. Je recommence. Quand bien on est passé là-haut, à toucher clair, à se jurer les mots, à se dire je t'aime, on s'est raté. Ce soir le temps est dépassé, sort et laisse aller tes yeux. On en veut encore et toi t'es déjà vieux. Tu t'endors seul devant la télé et moi je rêve de vivre. Je veux du bruit, des langues enfumées, des nuits pour danser. La vie s'allume quand le son devient magique. Je veux du bruit, des mains enlacées. Des corps dépassés, si rien ne bouge, on s'en perd un peu trop vite, je veux du bruit. Change de cap et laisse tomber tes jeux, on n'a plus de masque ici, on est heureux. Oublie dehors l'incertitude et fais la nuit magique, je veux du bruit, des langues enfumées. Des nuits pour danser, la vie s'allume quand le son devient magique. Je veux du bruit, des mains enlacées, des corps dépassés. Si rien ne bouge, on s'en fait un peu trop vite. Je veux du bruit. Tu vas dans ma chambre, tu débranches le tabouret et tu remets la lampe. C'est d'accord? Non, ça va. Je te mets juste à la défendre comme on avait avant. Je veux pas que tu m'as quelque chose tant que je ne suis pas là. Tant que je ne veux pas. Tu... Si... Ma chérie-fille. Ma... Là, je vais... Arnaud, là, je vais me fâcher. Hein. Et royalement fâcher. Hein. Elle marche au poumi, bordel! C'est tout ce que vous avez fabriqué, ma chérie-fille!